si le monde est à l'envers, s'il ne tourne pas très rond, s'il y a d'autres choses à faire que de chanter des chansons. Moi je veux aimer la vie jusqu'à l'instant où tout sera fini. Il n'y a pas de honte à être heureux, l'univers je peux le refaire. Rien qu'en te regardant au fond des yeux, c'est merveilleux. Et même si le monde est malheureux, c'est ton amour qui est ma lumière. Il me suffit de regarder tes yeux, c'est merveilleux. Il m'arrive quelquefois d'avoir mal ou d'avoir peur, mais tu reviens près de moi pour me réchauffer le cœur. Et jamais je ne me sens coupable de bonheur en t'embrassant. Il n'y a pas de honte à être heureux, l'univers je peux le refaire. Rien qu'en te regardant au fond des yeux, c'est merveilleux. Et même si le monde est malheureux, c'est ton amour qui est ma lumière. Il me suffit de regarder tes yeux, c'est merveilleux. Je peux le refaire. Rien qu'en te regardant